pris mes jetons et ma sauce pita. Elle s'appelle Anita, elle est bien plus bonne que Vita. Je l'ai trouvée sur Viva, un soir où ça allait pas. Je l'ai baisée comme jamais, le lendemain elle m'a rappelé. Elle m'a expliqué qu'elle voulait plus bosser avec son gars. J'ai dû la récupérer pour qu'elle arrête tout ça. J'envoie en Martinique, elle me ramène à que ça. Merci sans papayos, j'achète des PCS et 80 bastos. Dorénavant t'as plus de c'est mon assos. Je récupère guerre, toutes ses potes pour faire une grande assos. Pour un max de pesos, avec les loves, crois-moi j'ai fait quelque chose. Dans le quartier rouge, je vois la vie en rose. Signature, je prends ta sœur, on a signé la clause. Elle sort trois piges de maison close, c'est comme la maison de disque. Les bandits se repentissent, tu donnes ta chatte, qu'est-ce tes parents vont dire. Tu peux plus rebondir, tu peux plus rebondir. Elle a donné sa chatte, elle a donné sa chatte. La repuce ça s'achète, elle a donné sa chatte, elle a donné sa chatte. Aujourd'hui la repuce ça s'achète, y'a des putes sur Snapchat et y'a des putes sur Snapchat. Hein? Elle a donné sa chatte, elle a donné sa chatte, la repuce ça s'achète. Y'a des putes sur Snapchat. J'suis sale nouvelle sécu, l'argent nous a pas raté. Maroc 43, j'te laisse ton karaté. Là c'est Hus l'enfoiré, impossible de me rater. Africa Jungle, annonce tous les jingles. Ça fait que des singles. Vincent Cassel ou Vince Diesel, j'retrouve des francs dans mon jean diesel. Disco à Red, j'suis dans Stringer Bell. Sacoche Ferragamo, Gabbana, Macano, c'est Koué, Salimou. C'est la Sinaloa, Manissé, mon Zincou. J'arrive téléguidé, série télévisée. En plein cœur des cités, viens nous déchiffrer, j'suis Robert De Niro. Que dans les affranchis, poursuivi par les fédés. Je te viscère, peu importe la météo. Elle a donné sa chatte, elle a donné sa chatte. La repuce ça s'achète, elle a donné sa chatte, elle a donné sa chatte. Aujourd'hui la repuce ça s'achète, y'a des putes sur Snapchat et y'a des putes sur Snapchat. Hein? Elle a donné sa chatte, elle a donné sa chatte, la repuce ça s'achète. Hein? Y'a des putes sur Snapchat. J'ai tout laissé dans la chatte d'Anita. Je rentre chez moi, je reste dans l'anonymat. Dans les cités c'est la loca vida. J'demanderai de la jungle Africa. J'ai tout laissé dans la chatte d'Anita. J'rentre chez moi, j'reste dans l'anonymat. Dans les cités c'est la loca vida. J'demanderai de la jungle Africa. Elle a donné sa chatte, elle a donné sa chatte. La repuce ça s'achète, elle a donné sa chatte, elle a donné sa chatte. Aujourd'hui la repuce ça s'achète. Y'a des putes sur Snapchat et y'a des putes sur Snapchat. Hein? Elle a donné sa chatte, elle a donné sa chatte, la repuce ça s'achète. Hein? Y'a des putes sur Snapchat.